Je circule sur une chaussée étroite et sinueuse. En principe, sur ce type de route, la vitesse est limitée à 90 km/h. Je ne suis donc pas en excès de vitesse. Cependant, je ralentis. En effet, vu l'étroitesse de la chaussée et le manque de visibilité, ma vitesse est inadaptée. Je dois ralentir nettement pour négocier ce passage en toute sécurité. Réponse B et C.